toute première fois, c'était ici, à Archipel, c'était Empty Vessels. Donc je crois, sauf erreur, qu'il y avait une boîte, je me souviens en tout cas d'une boîte jaune avec un travail graphique qui avait été réalisé par Francis, et je pense que dedans il doit y avoir une bande magnétique. I can't remember what pieces they did. It was the tour he did with Robert Ashley and Gordon Mumma. And he may have performed I Am Sitting in a Room, I think. I honestly can't remember. I mean, it's a long time ago, you know, probably 50 years ago. Ouais, bizarrement, je connais vraiment mal son travail. Ouais, je m'en souviens, ouais. Je connaissais pas avant qu'on me le présente. Et puis, il y avait eu un anniversaire pour ses... Bah, ça devait être ses 85 ans ou 80 ans. Je sais plus bien. Enfin, voilà, un anniversaire à Zurich. Précis, c'était justement la même pièce au conservatoire. Je suis arrivé de Colombie et puis je n'avais pas cette culture-là. Enfin, je n'avais pas eu contact là-bas avec cette musique. Et on écoutait ça dans le sous-sol du bâtiment de la Place Neuve du conservatoire avec Émile Elberger, c'était le prof, puis, qui nous faisait des écoutes comme ça. Mais on avait un système de son avec, c'était encore la vieille garde de l'électro, donc il y avait un Moog, c'était au sous-sol, et c'était maintenant pour moi c'est inoubliable parce que être dans ce contexte et dans ma condition d'être complètement vierge de cette musique, c'était comme ouvrir une sorte de boîte de Pandora, de waouh, okay. C'était assez frappant, je me souviens. Without experiencing the music and just reading about it was a little bit abstract. But I remember clearly that I was maybe a bit confused about it, I guess. And then I did hear, maybe a year later, some parts of a recording of music on a long thin wire, and that also okay was interesting, but it didn't completely overwhelm me or anything. But I was able to see him do a performance live in Toronto in 1982. That was Bird and Person Dining, and that blew my mind completely. And from that moment onwards, I was a huge Alvin Lucier fan. And it was just so incredible to see someone taking a scientific phenomenon and turning it into a piece of music. And it was just, it opened up a door and a whole world for me, understanding what, a new way of thinking about what music could be. Ben oui, je m'en souviens très très bien. Je crois que j'avais genre 22 ans et j'étais à New York. C'était un voyage à New York. Et alors, je sais plus comment, mais je me suis retrouvée à une exposition, ce qui se faisait pas mal, ce qui se fait peut-être encore. C'est des expositions dans des appartements. Donc c'était très haut dans un building. Déjà, tout m'impressionnait évidemment, hein, parce que la même semaine d'ailleurs, j'étais allée écouter du reggae. Dans un bar sur le dernier étage de la World Trade Center. Et c'est aussi un souvenir que j'ai gardé, moi, qui ai si mauvaise mémoire. Et donc là, c'était aussi assez haut dans un building. En plus, c'est un building un peu ancien. Donc on arrive et puis on doit s'annoncer. Et pour, tout ça pour aller dans un appart où il y a une expo. Et il y avait une expo d'Alvin Lucier. Et c'était ce très, très, très simple, très Alvin Lucier. C'était un bac avec de l'eau et un sub, j'imagine, enfin un haut-parleur dessous. Et l'eau vibrait avec des dessins assez... on sentait qu'il avait écrit quelque chose parce que ça bougeait, ça créait, je sais pas, à un moment une sorte de damier. Après, ça se brouillait, après, ça devenait plus chaotique, après, ça se rebrouillait, après, il y avait plus des cercles. Enfin, je me souviens que c'était assez spectaculaire dans une idée toute simple. Et j'avais vraiment flashé. Et il y avait une carte postale qui allait avec, et j'ai cette carte postale depuis 30 ans, elle est toujours affichée, enfin, comment dire, agrafée, non, bref, collée chez moi. Et ça a été d'ailleurs le début d'une petite collection de cartes postales. Yeah, the 80s, I was taking part of probably the first sound art show in Britain, which was touring around Britain, and it was called A Noise in Your Eye. And it was about visual art and sound. And in the exhibition, there was Alvin Lucier's Long Thin Wire, and I was really astounded by it. I think he maybe sent the whole piece and then it was set up. I thought it was wonderful. It's an installation, it's just one music on a long thin wire. And it's a long wire, I mean it's 10 meters or something. And with the magnets, very beautiful. It's just this long horizontal shiny wire which is vibrating. It's a very wonderful piece. Et je trouvais intéressant, mais sans plus. Mais après, en 2015, à Berlin, j'ai donc performé la pièce qui s'appelle « Bird and Person Dining ». Et « dining » s'écrit avec un Y. Et il y a un son d'oiseau, qui est un son de faux oiseau. C'est pas vraiment un vrai oiseau. Et ça pitch... Lille Larsen, la personne qui performe à binaural headphones, donc un microphone qui se met dans les oreilles, à la place des oreilles. Au milieu de la pièce, il y a un petit cube avec le son de ce faux oiseau. Et dans les coins, il y a quatre haut-parleurs. Et du coup, avec mon micro dans les oreilles, je vais essayer d'aller chercher les Larsen, mais comme je suis moi-même au milieu du dispositif, je ne vais pas non plus le faire marcher trop fort parce que sinon il va me faire mal. Donc c'est tout un jeu d'approche, de recherche, d'un truc qui chatouille ou qui fait mal ou qui et c'était super de faire ça. Et je me souviens très bien des deux techniciens avec lesquels on a travaillé là-dessus, et c'était vraiment super. Un qui était plus responsable du son dans la pièce, et un avec lequel on a cherché quelle fréquence cet oiseau devait avoir. Écoute, c'est un personnage tellement important pour moi que, en fait, j'ai l'impression que je le connais depuis toujours, ce qui n'est pas vrai. Mais je pense que j'ai un soupçon comme ça parce que Je suis née en Sibérie, en Union soviétique, donc je débarquais en Suisse comme ça. Je connaissais rien de ce qui s'est passé au XXe siècle en Europe, quoi. Donc j'ai débarqué, je faisais du piano classique comme ça à l'époque. Et puis du coup je débarque, j'étais sûre par contre que je voulais faire des études aux Beaux-Arts. Donc je viens là-bas et puis je tombe sur le cours de Jacques Demierre, Vincent Barras, Thierry Simoneau. Et puis en particulier, je crois que c'est Vincent Barras qui faisait un cours, mais pour un auditoire énorme, où on passait beaucoup beaucoup de temps à écouter des pièces, en fait, même très longues. Et je pense bien que c'est là, en fait, que j'ai entendu Alouine Lucier. Et pour moi, c'était hallucinant. C'était vraiment, c'est quelque chose qui m'a tout de suite fait, je sais pas, tellement de c'est une ouverture monstrueuse, en fait. Une proposition qui s'appelle Pasta for Tired Dancers. Je ne sais pas si tu connais ça. Mais en fait, c'est une recette de pâte à la sauce tomate, mais façon Alouine Lucier. C'est-à-dire que c'est juste de la sauce tomate. Enfin, c'est juste des tomates. Il n'y a pas d'assaisonnement parce qu'en fait, les tomates se suffisent elles-mêmes. Alors, il utilise quand même un petit peu d'huile d'olive et un peu d'ail. Enfin, il l'explique dans le film No Idea But In Things. Je pense que j'en ai entendu parler avant de l'entendre. On m'a raconté le processus, comment la pièce elle se déroule, comment c'est fait. Et c'est sûr que chez Lucier, il y a ce truc incroyable où l'idée de la pièce est souvent aussi bien que la pièce en elle-même. Et dans le cas d'I'm Sitting in a Room, c'est la perfection, je trouve, au niveau des deux plans, quoi. C'est vraiment, quand on l'entend, c'est incroyable. Il y a cette idée même inscrite dans la parole de ce qu'il raconte, avec son bégaiement. I think most people I know have a very strong memory of their first time experiencing the Lucier's work. And for me, it's a very important moment for me. And I think I was 21 at the time, and a friend of mine was teaching a class on experimental music in Montreal at McGill University. And a bunch of us would go and sit in on his class because he would play a whole album for the last hour of every class. So we all get to just sit and listen to this beautiful music together. And he played I'm Sitting in a Room. And I remember every minute of that album. It changed my perception of time, space. It was emotional. It was super beautiful and really compelling. And from that moment forward, I was just drawn to explore everything that Lucier had done. And really, really important moment and magical. Dans mon souvenir, ça a duré très longtemps. Peut-être ça a duré 15 minutes, mais en tout cas, pour moi, c'était très long. Et je me souviens juste qu'au début, je trouvais ça ennuyeux. Et après, j'ai commencé à comprendre tout le rapport à la fois poétique, comme tu dis, la physique du son, et puis son rapport aussi au bégaiement. Enfin, et en fait, je me souviens qu'à chaque boucle, j'avais de la chair de poule. Ça me montait à chaque fois, et je trouvais ça toujours plus beau, cette abstraction, cette disparition de la voix. Enfin, tout ce rapport-là qui était tellement simple, et tellement beau, et tellement profond, et ça s'arrêtait pas, et je trouvais ça fou. Puis ça devenait de plus en plus musical, justement, plus tellement, pas conceptuel, mais c'était plus, le discours disparaissait concrètement, et je trouvais ça trop, trop beau. I think the first thing I heard of his was the Bird in Person Dining record on Cramps. And maybe because it was on the Nurse with Wound list and I was interested in finding a lot of those records. And around also maybe Music for Solo Performer at the same time. And it was super alien music and very mysterious. I think all of his music is mysterious. And I wanted to know more, who is this guy, you know? Then I discovered the Sonic Arts Union and Robert Ashley and David Berman. All of that stuff was very big for me. But I think in some ways, one of the biggest impacts for me was his pieces with oscillators and acoustic instrumentation. There's a piece called Still Lives, which is piano with an oscillator that's slowly sweeping. And it's absolutely beautiful. And I was very much into Morton Feldman. And to me, it was like Morton Feldman atmosphere with electronics, and it was just really, really influenced my solo work. A lot of the records that I made around 2001 and 2 were really inspired by Alvin's work with oscillators and acoustic instrumentation and the beating patterns. And yeah, and then much later I ended up working with him, and I got to understand or got to experience playing that music and seeing all the different pieces in a puzzle and how it all works together. And it's so kind of scientific and it's about phenomena, but at the same time, it's absolutely gorgeous and beautiful, which is why I love his music so much.